L'association d'études de la politique de Sengun de la Grande-Bretagne a inséré dans son page d'internet un écrit intitulé « Les exploits mortels accomplis pour la cause de la réunification de la Corée ». L'auteur a indiqué que tous les succès remportés par le Parti du Travail et le peuple coréen en livrant activement le mouvement de la réunification du pays malgré toutes les vicissitudes et difficultés de l'histoire sont dus aux idées et lignes clairvoyantes de la réunification indépendante et au programme de la réunification nationale juste et équitable précisé par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il et à la direction imminente inlassable des grands leaders.